الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، ceci est le cinquième annexe à la nasiha destinée à nos frères salafis de France pour les avertir contre la bid'a de Al-Haddadiyya. Aujourd'hui, nous leur traduisons les paroles des imams de la da'wa salafiyya depuis Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala jusqu'au savant contemporain. Et pour cela, nous nous appuyons sur le livre intitulé Al-Udhr bil Jahli 'ind a'immat ad-da'wah rahimahumullah. Jama'a maddatahu Rashid bin Ahmed Uwaysh waffaqahullah. قرأه وحث على نشره الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله. L'excuse pour l'ignorance chez les imams de la da'wa, qu'Allah les ait en miséricorde, recueilli par Rashid bin Ahmed Uwaysh, qu'Allah lui accorde succès. Il fut lu et recommandé pour la publication par l'éminent savant Abu Muhammad Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali hafidahullah. Donc nous apportons quelques citations de ce livre et nous les traduisons. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في بيان عقيدته: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله، فهذا هو الذي أكفر، وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. المصدر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، المجلد الأول، الصفحة 73. تخادكسيون. L'imam de la da'wa, le cheikh revivificateur du tawhid, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, avait dit: quant au takfir, je rends kafir, je rends mécréant celui qui connut la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après l'avoir connu, il l'insulte, défend aux gens de l'embrasser et prend comme ennemi celui qui la pratique. C'est ce type-là que je déclare mécréant. Et la louange à Allah, la majorité de la Umma n'est pas ainsi. Passons maintenant à une autre citation. Et il dit, rahimahullah: وَأَمَّا الْقَوْلُ أَنَّا نُكَفِّرُ بِالْعُمُومِ فَذَلِكَ مِنْ بُهْتَانِ الْأَعْدَاءِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ بِهِ عَنْ هَذَا الدِّينِ وَنَقُولُ سبحانك هذا بهتان عظيم. الدرر المجلد الأول، الصفحات 99 و 100. Traduction. Quant à la parole que nous jetons du tekfir sur la masse, en gros, ceci n'est qu'une calomnie des ennemis qui repoussent ainsi les gens de cette religion. Et nous disons, le Cheikh cite maintenant un fragment du verset 16 de la Sourate An-Nur, la lumière. Il dit: et nous disons, gloire à toi, ô Allah. Ceci est une énorme calomnie. Et il dit, rahimahullah: innama nukaffiru man ashraka billahi fi ilahiyatih ba'dama nubayyinu lahu al-hujjata ala butlan al-shirk. Traduction. Celui que nous déclarons mécréant est bien celui qui commet l'associationnisme dans la divinité, après lui avoir montré la preuve sur la nullité du shirk. وسئل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عما يقاتل عليه وعما يكفر به، فأجاب رحمه الله: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن، وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير زحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. Traduction. Et il fut interrogé, rahimahullah ta'ala, sur ce sur quoi il combattait et ce par quoi il rendait mécréant. Et il répondit, rahimahullah, c'est pour les cinq piliers de l'islam et à leur tête les deux attestations de la foi, puis les quatre piliers. Ces quatre, c'est-à-dire les quatre piliers de l'islam, à part les deux attestations, ces quatre, s'il les reconnaît et qu'il les délaisse paresseusement, alors nous, même si nous le combattons pour les accomplir, nous ne le rendons pas mécréant pour les avoir délaissés, car les savants ont divergé quant au statut de celui qui les délaisse par paresse, sans qu'il ait du reniement. Or, nous ne rendons mécréant que par ce sur quoi les savants sont unanimes, à savoir les deux attestations. Et aussi, c'est après lui avoir montré, s'ils connaissent, puis ils dénient, ils renient. وسئل رحمه الله تعالى فأجاب: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. الدرر السنية، المجلد الأول، الصفحة 104. Donc il avait dit, après les citations déjà passées, il avait dit: et si nous ne rendons pas mécréant celui qui adore l'idole qui est sur Abd al-Qadr, ainsi que l'idole qui est sur la tombe de Ahmed al-Badawi et leurs semblables, à cause de leur ignorance, à cause de l'ignorance de ces gens, et à cause de l'absence de qui les avertisse. Note du traducteur: comme sont absents les haddadis du terrain de la dawa à Allah Azza wa Jal, alors qu'ils sont présents sur un autre terrain, celui de Al-Khuruj, vis-à-vis des savants. Les haddadis traitent tout le temps les savants comme étant des murji'a, alors que ces haddadis sont des ignorants sur le plan de l'Iman, ainsi que sur d'autres plans. Et c'est de là que vient leur mal. Fin de cette note. Donc l'imam avait dit: et si nous ne rendons pas mécréant celui qui adore l'idole qui est sur Abd al-Qadr, ainsi que l'idole qui est sur la tombe de Ahmed al-Badawi et leurs semblables, à cause de leur ignorance et à cause de l'absence de qui les avertisse, comment serons-nous accusés de rendre mécréant celui qui n'avait même pas commis l'associationnisme, s'il n'accomplit pas la hijra, le déplacement vers nous, ou bien s'il n'avait pas prononcé le takfir, ni combattu? Gloire à toi, ceci est une énorme calomnie. Et il dit, rahimallah, وَإِنَّمَا نُكَفِّرُ مَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فِي إِلَهِيَتِهِ بعدما نبين له الحجة على بطلان الشرك، وكذلك نكفر من حسنه للناس أو أقام الشبه الباطل على إباحته، وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك بالله عندها، وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها. الدرر السنية، المجلد العاشر، الصفحة 128. Traduction. Il dit, rahimahullah, celui que nous rendons mécréant est celui qui commet l'associationnisme dans l'adoration, dans la divinité d'Allah, et ce, après lui montrer la preuve sur la nullité de l'associationnisme de Al-Shirk. Et nous déclarons et créons aussi celui qui embellit le shirk aux gens et qui établit des ambiguïtés nulles afin de le permettre. Ainsi que nous combattons celui qui s'érise par son épée pour défendre ces lieux de shirk, qui affronte celui qui les conteste et tâche de les éradiquer. Et il dit, rahimallah, ونحن نقول في من مات تلك أمة قد خلت. Alors que les Haddadi rendent innovateurs même des morts, même des personnes mortes sur lesquelles la preuve n'a pas été établie et les rendent innovateurs. Le Cheikh Rahimallah avait dit, ونحن نقول في من مات تلك أمة قد خلت ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة وأصر مستكبرا معاندا كغالب من نقاتلهم اليوم يصرون على ذلك الإشراك ويمتنعون من فعل الواجبات ويتظاهرون بأفعال الكبائر المحرمات. Traduction. Et nous disons concernant celui qui meurt, c'est une communauté passée. Et nous ne rendons mécréant que celui auquel notre da'wa au vrai est arrivée. Note du traducteur, quant à ces takfiris, ils n'ont pas de da'wa. Ou plutôt, leur da'wa est le takfir, à dextre et à sinistre, à gauche et à droite. Ils passent en revue les gens pour statuer de leur iman et kufr, croyance ou mécréance. Et ils ne prennent pas la peine d'aller appeler au monothéisme et mettre en garde contre le polythéisme. Non, pour eux, Al-Hujja, la preuve est établie, les excuses sont rejetées et il ne reste que de prononcer le verdict en contumace. Donc l'imam avait dit, et nous disons concernant celui qui meurt, c'est une communauté passée, et nous nous rendons mécréants que celui auquel notre da'wa au vrai est arrivé, pour qui le sentier est devenu limpide, sur lequel la preuve fut établie. Et il insista, vaniteux, orgueilleux, comme c'est le cas de la majorité de ceux que nous combattons aujourd'hui. Ils tiennent fort à cet associationnisme, s'abstiennent d'accomplir les obligations, et ils commettent publiquement les grands péchés interdits. Jusqu'à ce qu'il dit, rahimallah, فإن قلت هذا في من ذهل فلما نبه انتبه فما القول في من حرر الأدلة واطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات قلت لا مانع أن نعتذر لمن ذكر ولا نقول إنه كافر ولا لما تقدم أنه أخطأ وإن استمر على خطئه لعدم من يناضل عن هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة. الدرر السنية المجلد الأول الصفحات من 229 إلى 236 باختصار. Traduction. Si tu objectes ce qui précède concerne celui qui était distrait, mais quand il fut averti, il s'avisa. Mais que dire de celui qui examina les preuves, étudia les avis des imams pris pour exemple, mais il persista sur sa position jusqu'à sa mort. Je dis donc, l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab s'exprime ainsi. Il répond, je dis donc, nous n'avons pas de réserve ou d'empêchement pour chercher une excuse pour ce cas. Et nous ne soutenons pas que ce serait un mécréant. Et à cause de ce qui précède, nous nous contentons de dire qu'il avait failli, qu'il tomba dans l'erreur, même s'il se maintient dans l'erreur, car il n'y avait pas quelqu'un qui lutterait pour cette question. Voici la question pour laquelle il faut lutter. C'est bien celle de propager le tawhid, de le diffuser, d'avertir contre le shirk, de le définir, et non pas La question de prononcer juste les sentences et coller les sobriquets aux gens, un tel est mushrik, un tel est tarot, un tel est morji. Fin de cette note. Je répète ce qu'a répondu le Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah. Il avait dit, je dis donc, nous n'avons pas de réserve ou d'empêchement pour chercher une excuse pour ce cas. Et nous ne soutenons pas que ce serait un mécréant. Et à cause de ce qui précède, nous nous contentons de dire qu'il avait failli, qu'il tomba dans l'erreur, même s'il maintient dans l'erreur. Car il n'y avait pas quelqu'un qui aurait lutté pour cette question en son temps, par sa langue, par son épée et armes. De ce fait, la preuve ne fut pas établie à son égard, et par conséquent, la voie ne lui était pas claire. Regardez comment ce grand imam de la Dawa s'excuse pour ces gens, alors que des jeunes ignorants ne font presque aucun effort de da'wa sahiha, de da'wa correcte, mais ils sont prêts à monter des sites, des comptes Facebook, Twitter, etc., des comptes YouTube pour propager le takfir. Et l'érudit savant, Abdullah bin Abdurrahman, Abu Abtayn, rahimahullah, souligne un aspect que les takfiri ignorent complètement, à savoir la dualité mécréance mécréant. Il s'agit là d'une dyade, d'une dualité, d'une chose binaire, non pas d'un seul aspect, d'une seule réalité, d'un seul bloc, non, mais plutôt de deux choses, al-kufr et al-kafir. Lisons d'abord cette citation du Cheikh rahimahullah. Il avait dit, wa man qala la ilaha illallah ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر كدعاء الموتى والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح فهذا مشرك شاء أم أبى وإن الله لا يغفر أن يشرك به ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Regardez ce qu'il va dire ici. Ici, le cheikh parlait du premier plan toujours. Du premier plan de la diade, il parle de Al-Kufr. Et maintenant, il va parler de l'autre plan, de Al-Kafir. Il avait dit, ومع هذا فهو شرك ومن فعله كافر ومع هذا فهو شرك ومن فعله فهو كافر ولكن كما قال الشيخ أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما قال الشيخ لا يقال فلان كافر حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أصر بعد البيان حكم بكفره. Traduction. Il dit, celui qui atteste la ilaha illallah et malgré cela il commet le shirk majeur, comme d'invoquer les morts et les absents, et leur demander ses besoins, de le secourir lors des crises, et qui cherche à se rapprocher d'eux par un nujour, une forme d'adoration que le serviteur exige de lui-même, et par les immolations, celui-ci est mushrik, qu'il le veuille ou non. Allah ne pardonne pas à qui lui donne un associé. Surat An-Nisa, verset 48. Et il y a aussi, et celui qui donne à Allah un associé, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Al-Ma'ida, verset 72. Regardez bien maintenant comment le Cheikh va séparer entre les deux termes de la diade. Il ne s'agit pas d'une seule chose, mais de deux. Il dit, en dépit de cela, ceci est du shirk, et celui qui le commet est mécréant. Pourtant, comme avait dit le Cheikh, il désigne par là Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pourtant, comme avait dit le Cheikh, on ne conclut pas pour autant un tel est kafir, un tel est mécréant, jusqu'à ce que le message du prophète lui soit montré. Par conséquent, S'il persiste après la démonstration, l'on juge de sa mécréance. Et l'érudit savant, Cheikh Ishaq bin Abd al-Rahman, rahimahullah, avait dit, فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة. المصدر الدرر السنية المجلد الأول الصفحة 522 وأيضا في منهاج التأسيس والتقديس الصفحة 44. Traduction. L'espèce de ses associateurs et leurs semblables parmi ceux qui adorent les alliés et les saints, ne croyant en leur associationnisme et qu'ils sont mécréants, si la preuve du message fut établie à leur égard. Et Cheikh Abdul Latif bin Abdul Rahman bin Hassan, rahimahullah, parlant de la aqida de Cheikh Mohammed bin Abouab, rahimahullah, au chapitre du Takfir précis, rappela une citation d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et il avait dit, « وَنَحْنُ نَعْلَمُ بِالِطَّرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَشْرَعْ لِأُمَّتِهِ أَنْ يَدْعُوا أَحَدًا مِنَ الْأَمْوَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا غَيْرِهِمْ حَتَّى قَالْ بَلْ نَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نَهَى عَنْ كُلِّ هَذِهِ الْأُمُورِ وَأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الشِّرْكِ الَّذِي حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَكِنْ لِغَلَبَةِ الْجَهْلِ وَقِلَّةِ الْعِلْمِ بِآثَارِ الرِّسَالَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ لَمْ يُمْكِنْ تَكْفِيرُهُمْ بِذَلِكَ حتى يبين لهم ما جاء به حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. الدرر السنية المجلد الأول الصفحة 414 وأيضا في السؤال والإجابة المجلد الأول الصفحة 372. Traduction. Et nous savons évidemment de la religion de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas légiféré à sa umma d'invoquer les morts, qu'ils soient des prophètes ou autres, jusqu'à ce qu'il ait dit. Plus encore, nous savons qu'il avait interdit sallallahu alayhi wa sallam toutes ces choses, et que cela relève de l'associationnisme qui fut interdit par Allah et son messager. Toutefois, à cause de la prépondérance de l'ignorance et du peu de savoir quant au texte du message, chez beaucoup de personnes contemporaines, on ne put les déclarer mécréantes à cause de cela, sauf après leur avoir démontré ce par quoi le messager sallallahu alayhi wa sallam était venu, ainsi que leur montrer son contraire. Et les fils de l'imam Mohammed, aussi bien que leur contemporain, Cheikh Nasser al-Ma'mar, rahimahumullah ta'ala, ont des paroles similaires à celles qui ont précédé. Par exemple, Cheikh Hussein et Cheikh Abdullah, fils du Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahumullah ta'ala, ils avaient dit, « فالتكفير بالعموم » التكفير بالعموم, c'est ce que les hadadi pratiquent. Il dit, فالتكفير بالعموم أن يكفر الناس كلهم عالمهم وجاهلهم ومن قامت عليه الحجة ومن لم تقم عليه الحجة. وأما التكفير بالخصوص فهو أن لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة بالرسالة التي يكفر من خالفها. وقد يحكم بأن أهل هذه القرية كفار حكمهم حكم الكفار, ولا يحكم بأن كل فرد منهم كافر بعينه, لأنه يحتمل أن يكون منهم من هو على الإسلام معذور في ترك الهجرة أو يظهر دينه ولا يعلمه المسلمون, كما قال تعالى, ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. الدرر السنية المجلد العاشر الصفحات 144 145. Traduction de cette réponse des fils de l'imam rahimahoullah ta'ala. Ils avaient dit: At-takfir bil-umum, rendre mécréants en masse, consiste à rendre tous les gens mécréants, leurs savants et leurs ignorants, celui sur lequel la preuve fut établie et celui sur lequel aucune preuve n'est établie. Et At-takfir bil-khusus, rendre mécréant une partie, consiste à ne déclarer mécréant que celui sur lequel la preuve fut établie par le message, la preuve qui fait que celui qui la contredit serait mécréant. Et il est possible de dire que les gens de telle région sont mécréants, qu'ils ont le statut de mécréants, mais l'on ne juge pas chaque individu parmi eux comme étant kafir nommément, mécréant nommément, étant donné qu'il peut y avoir parmi eux quelqu'un qui est musulman, qui est excusé de ne pas accomplir la hijra, ou bien qui manifeste sa religion. Donc la hijra n'est pas obligatoire pour lui. Tout cela alors que les musulmans, eux, ne le connaissent pas, comme Allah avait dit au sujet des gens de la Mecque lors de leur mécréance. Voici la traduction rapprochée d'un texte du Coran. S'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mecquois, que vous ne connaissiez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible. Surat Al-Fath, la victoire éclatante, verset 25. Et Cheikh Sulaiman bin Sahman, rahimahullah, fut interrogé « Amman zahiruhu la islam wa la kufra, bel jahilun, wa man zahiruhu al kufru, wa man zahiruhu al ma'asi dun al kufri, fa ajab, wa amma man zahiruhu la islam wa la kufra, bel huwa jahil, fa naqulu hadha al rajul jahil, in kana ma'ahu al asl alladhi yadkhulu bihi al insanu fi al islam, fa huwa muslim. ولو كان جاهلا بتفاصيل دينه فإنه ليس على عوام المسلمين ممن لا قدرة لهم على معرفة تفاصيل ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرفوا على التفصيل ما يعرفه من أقدره الله على ذلك من علماء المسلمين وأعيانهم مما شرعه الله ورسوله من الأحكام الدينية بل عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا كما قرر ذلك شيخ الإسلام في المنهاج. Une note s'impose ici. Méditez bien, mes frères, sur cette parole de sagesse, sur cette perle de sagesse. Car il y a des gens de renom qui veulent exiger de tout le monde de tout savoir, de tout connaître en vrac, sans distinguer entre les niveaux des gens, ni entre la nature des questions. Et puis le cheikh poursuit. بل عليهم أن يؤمنوا بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا كما قرر ذلك شيخ الإسلام في المنهاج وإن لم يوجد معه الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام فهو كافر وكفره هو بسبب الإعراض عن تعلم دينه لا علمه ولا تعلمه ولا عمل به والتعبير بأن ظاهره لا إسلام ولا كفر لا معنى له عندي لأنه لا بد أن يكون مسلما جاهلا أو كافرا جاهلا فمن كان ظاهره الكفر فهو كافر ومن كان ظاهره المعاصي فهو عاص ولا نكفر إلا من كفره الله ورسوله بعد قيام الحجة عليه الدرر السنية المجلد العاشر الصفحة 470. Traduction. Il fut donc interrogé sur celui qui a une apparence qui n'est ni d'islam ni de kufr et qui est plutôt ignorant, jahil. Sur celui qui a une apparence de kufr et sur celui qui a une apparence de péché moins que le kufr. Et il répondit: quant à celui qui a une apparence qui n'est ni d'islam ni de kufr, mais plutôt d'ignorance. Nous disons, cet homme est ignorant. S'il a la base avec laquelle l'individu rentre en islam, il est musulman, même s'il méconnaît, même s'il ignore les détails de sa religion. Car la masse des musulmans, n'ayant pas la capacité de connaître les détails de ce qu'Allah et son messager avaient légiféré, cette masse n'a pas à connaître ça en détail, comme le connaît celui qu'Allah avait doté de compétences parmi les savants des musulmans et leurs notables. En ce qui concerne ce qu'Allah avait légiféré, ainsi que son messager, comme jugement religieux. Mais ce qu'ils doivent plutôt est de croire en ce que le messager avait apporté, d'une croyance générale, globale, comme ceci fut décliné par Cheikh al-Islam dans Al-Minhaj. Et s'il n'a pas cette base qui fait que l'individu entre en islam, il est donc kafir, il est donc mécréant. Et sa mécréance provient de ce qu'il se détourne d'apprendre sa religion. Il ne la quête pas, il ne la cherche pas, ne l'apprend pas et n'œuvre pas avec. Quant à l'expression, son apparence n'est ni d'islam ni de kufr, elle n'a aucun sens pour moi, car il doit nécessairement être soit un musulman ignorant, soit un mécréant ignorant. Et celui qui a l'apparence de kufr, il est kafir. Et celui qui a une apparence de péché, il est pécheur. Et nous ne rendons mécréant que celui qu'Allah et son messager avaient rendu mécréant, et ce, après l'établissement de la preuve sur lui. Et Cheikh Sulaiman ben Sahman, rahimahullah, avait dit aussi, فالشيخ رحمه الله أي الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فالشيخ رحمه الله لم يقاتل من قاتل من أهل نجد وغيرهم إلا من أقام على كفره وجد في إطفاء نور الله وإنكاره وإنكار توحيده ومن جحد البعث من بواديهم وأعرابهم ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل على الإيمان بالله ورسله ووجوب الكفر بما عبد من دونه فالخصومة في الأصل الأصيل وحسبنا الله ونعم الوكيل. المصدر تنبيه ذوي الألباب السليمة الصفحة 120. Traduction: Le Cheikh Rahimahullah, c'est-à-dire Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, le Cheikh Rahimahullah n'avait combattu des gens de Najd et d'autres que parce qu'ils se sont cramponnés dans la mécréance, enthousiasmés à éteindre la lumière d'Allah et la renier, à éteindre le monothéisme et le renier. Ceux qui avaient renié la résurrection parmi leurs compagnards et bédouins, et ils ne furent déclarés mécréants qu'après l'établissement de la preuve et la mise en exergue du délil sur la foi en Allah et ses messagers, sur l'obligation de mécroire en toute divinité autre. Donc, le différent portait bel et bien sur le fondement de base, et Allah nous suffit, et il est le meilleur allié. Et le Cheikh Sulaiman bin Sahman, rahimahullah, avait dit aussi, وأما تكفير المسلمين فقد قدمنا أن الوهابية لا يكفرون المسلمين والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. قال في بعض رسائله: وإن كنا لا نكفر من عبد قبة الكواز لجهلهم وعدم من ينبههم، فقرر أن من قامت عليه الحجة وتأهل لمعرفتها يكفر بعبادة القبور. المصدر: الضياء الشارق، الصفحة 372. Traduction de cette parole. Quant au takfir du musulman, nous avons précédemment montré que Al-Wahhabiyya ne jette pas le takfir sur les musulmans. Et le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimallah, est parmi les personnes qui s'arrêtent le plus sur ce chapitre et n'affranchissent pas la ligne de prononcer la mécréance sur quelqu'un. Je répète cette phrase. Et le Cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimallah, est parmi les personnes qui s'arrêtent le plus sur ce chapitre et n'affranchissent pas la ligne de prononcer la mécréance sur quelqu'un, et c'est au point qu'il n'avait pas décidé de rendre mécréant l'ignorant qui invoque autre qu'Allah parmi les tombolâtres et d'autres. S'il n'y avait personne qui lui prodiguerait conseil et lui transmettre la preuve qui fait que celui qui la délaisse est mécréant, en témoigne qu'il dit dans certaines de ses épîtres: et si nous ne rendions pas mécréant celui qui adore l'alcôve qui est sur Al-Kawaz à cause de leur ignorance, et qu'il n'y a pas quelqu'un qui les avertirait. Il décida donc que seul peut être déclaré mécréant celui sur qui la preuve fut établie et qui était capable de la déchiffrer, c'est-à-dire بلوغ الحجة على نحو يفهمه, et qui était capable de la déchiffrer. Et les déclarer mécréants par ceci qu'ils adorent les tombes. Fin de citation. Et nous insérons ici un petit commentaire, comme dans l'expression arabe كلام يكتب بالخناجر على النواظر. Ce sont des paroles dignes d'être écrites par les couteaux sur les paupières. Ceci est une façon de parler pour montrer combien une personne respecte et observe strictement une règle, alors que des gens l'accusèrent de takfir. Or, les haddadi, eux, s'acharnent à renforcer l'accusation des soufis vis-à-vis des imams de la da'wah, à savoir leur prétention, c'est-à-dire la prétention des soufis: vous rendez les musulmans mécréants. Et les haddadi œuvrent dans ce sens, malheureusement. Et Cheikh Abdullah bin Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahumullah, fut interrogé. سئل عن بناء القباب على القبور هل يكون علامة على كفر بانيها؟ فأجاب: هذا يحتاج إلى تفصيل. Note du traducteur: regardez cela et méditez sur les réponses sages des savants. C'est pourquoi nous avons dit précédemment que les haddadi et les takfiri en général se hâtent à catégoriser les gens en musulmans et en mouchriks. Il leur manque ce tafsil, ce ta'ammul, le détail des cas, la méditation sur les statuts, les faits, les circonstances. Le takfir est un jugement lourd de conséquences. Il ne s'agit pas de s'y aventurer sans science, sans modération, sans recours aux savants, sans sincérité, sans bonne intention, etc. Donc le cheikh fut interrogé. سئل عن بناء القباب على القبور هل يكون علامة على كفر بانيها؟ فأجاب: هذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان الباني قد بلغه هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هدم البناء عليها ونهيه عن ذلك وعاند وعصى أو منع من أراد هدمها من ذلك فذلك علامة الكفر. وأما من فعل ذلك جهلا منه بما بعث الله به رسوله صلوات الله وسلامه عليه فهذا لا يكون علامة على كفره وإنما يكون علامة على جهله وبدعته وإعراضه عن البحث عما أمر الله به ورسوله صلوات الله وسلامه عليه في القبور. مجموع الرسائل والمسائل النجدية، المجلد الأول، الصفحة 246. Traduction. Le fils de l'imam fut interrogé sur le fait de construire des coupoles ou des alcôves sur les tombes. Est-ce que cela serait un signe de mécréance de ce constructeur? Il répondit: ceci a besoin d'être détaillé. At-tafsil. Ceci a besoin d'être détaillé. Si le constructeur avait connaissance de la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam quant au fait de détruire ce genre de construction et qu'il avait interdit cela, alors si ce constructeur insiste, s'enfle d'orgueil, désobéit, ou bien s'il s'oppose à celui qui veut les détruire, ceci est un signe de mécréance. Quant à celui qui agit ainsi, par ignorance de ce par quoi le messager sallallahu alayhi fut envoyé, ceci ne serait pas un signe de sa mécréance, mais un signe de son ignorance et innovation, et qu'il délaissait la recherche concernant l'ordre d'Allah et son messager sallallahu alayhi au sujet des tombes. Et c'est la fin de cette citation. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avait dit: فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين، فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. الفتاوى المجلد 12، الصفحات 500 و501. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدي: Il est illicite de prononcer le kufr sur une personne déterminée parmi ses ignorants et leurs semblables, de sorte qu'on le juge comme faisant partie des mécréants, sauf après avoir établi la preuve du message sur un tel individu, et qui fait qu'il soit manifeste qu'il, c'est-à-dire ces moyennin, qui étaient considérés comme johal, et qui fait qu'il soit manifeste qu'ils contredisent les messagers, même s'il n'y a aucun doute que leur parole en question est une mécréance pure et simple. Il en va également pour toutes les personnes déterminées. Il n'appartient donc pas à une personne de déclarer une autre parmi les musulmans comme étant mécréante, même si celle-ci se trompe et commet une erreur, avant d'établir la preuve sur elle et que le vrai lui soit clarifié. Et celui qui entre dans la foi avec une certitude ne la quitte pas pour un soupçon, pour un doute, mais plutôt sa foi ne s'annule qu'après l'établissement de la preuve et la dissipation de l'ambiguïté. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avait dit aussi: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية النفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت فتنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا الخطاب لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. المصدر الرد على البكري الصفحة 260. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عبيدي. C'est pourquoi je disais aux jahmites parmi Al-Hululiya des négateurs, Al-Hululiya Al-Nufat, qui dénie qu'Allah l'exalté est au-dessus du trône, quand leur épreuve eut lieu, je leur disais ceci: moi, si je serais d'accord avec vous, je serais donc mécréant, puisque je sais que votre propos est kufr, tandis que vous n'êtes pas des mécréants pour moi, car vous êtes des ignorants, Johel. Et il adressa ce discours à leurs savants, juges, chouyours et gouverneurs. Et Cheikh l'Islam avait dit aussi: وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل ويغفر الله فيه لمن لم تقم الحجة عليه ما لا يغفر به لمن قامت الحجة عليه، كما في الحديث المعروف: يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا صياما ولا حجا ولا عمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، ويقولون: أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله. فقيل لحذيفة بن اليمان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: تنجيهم من النار. انتهى كلام شيخ الإسلام. والحديث في الصحيحة المجلد الأول الصفحة 171 برقم 87، وكلام شيخ الإسلام من الفتاوى المجلد 35 الصفحة 166. Traduction de la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il avait dit: et lors des périodes d'affaiblissement, awqat al-fatarat, les périodes d'affaiblissement de la da'wa, et dans les lieux où elle est quasi inexistante, l'homme est récompensé pour ce qu'il a de peu de foi. Allah pardonne à celui sur qui la preuve n'a pas été établie, ce qu'il ne pardonne pas à celui sur qui al-hujja, la preuve, fut établie, comme dans le hadith connu. Traduction du sens du hadith: les hommes connaîtront une époque où ils méconnaîtront la salat, le siyam, le hajj et al-umra, sauf le vieux et la vieille qui diront: nous avons trouvé nos pères dire la ilaha illallah. L'on dit à Hudayf ibn al-Yaman: que leur épargne la ilaha illallah. Et il dit: elle les sauve du feu. Et son disciple Ibn al-Qayyim rahimahullah avait déclaré: inna al-azaba yustahaqqu bi sababayn. أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها. أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها. والثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. المصدر طريق الهجرتين الصفحة 414. Traduction de cette parole d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya رحمه الله تعالى. Il dit: le châtiment est mérité pour l'une de deux causes. La première est de se détourner vis-à-vis de la preuve, de ne pas la vouloir, ni vouloir œuvrer en conséquence de ce qu'elle impliquerait. La deuxième cause est de résister à la preuve après son établissement, délaisser ce qu'elle implique. Le premier est kofr i'rad, une mécréance de détournement. Le second est kofr inad, une mécréance de rejet. Quant à la mécréance d'ignorance, alors que la preuve ne fut pas établie et qu'on ne pourrait pas la connaître, ceci est bien ce qu'Allah avait renié de punir pour lui jusqu'à l'établissement de la preuve des messagers. Fin de citation. Il fait allusion, rahimallah, au verset de Al-Qur'an Al-Karim, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous ne punissons pas avant d'envoyer un messager, comme il y a d'autres versets où Al-Hujja doit arriver avant de mériter le châtiment. Après les paroles des imams de la da'wa najdiya, nous passons maintenant à quelques paroles des savants contemporains. سُئِلَ الْإِمَامُ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إذا رأيت أحدا يدعو صاحب القبر ويستغيث به فهو مصاب بالشرك فهل أدعوه على أنه مسلم أم أدعوه على أنه مشرك إذا أردت أن أدعوه إلى الله عز وجل وأن أبين له فأجاب رحمه الله أدعوه بعبارة أخرى لا هذه ولا هذه قل له يا فلان يا عبد الله عملك. Regardez ce terme, comment il va se répéter pour montrer la diade entre al-fi'l et al-fa'il, entre al-qawl et al-qa'il, entre al-kufr et al-kafir, entre al-shirk et al-mushrik. Le cheikh rahimahullah avait dit ud'uhu bi'ibarat ukhra la hadhihi wa la hadhihi. Qul lahu ya fulan يا عبد الله عملك هذا الذي فعلته شرك وليس عبادة هو عمل المشركين الجاهلين عمل قريش وأشباه قريش لأن هنا مانعا من تكفيره ولأن فيه تنفيره أول ما تدعوه ولأن تكفير المعين غير العمل الذي هو شرك ولأن تكفير المعين غير العمل الذي هو شرك فالعمل شرك ولا يكون العامل مشركا فقد يكون المانع من تكفيره جهله أو عدم بصيرته على حد قول العلماء وأيضا في دعوته بالشرك تنفير فتدعوه باسمه ثم تبين له أن هذا العمل شرك. Traduction de cette parole. La question. Si je vois quelqu'un invoquer le mort qui est dans la tombe et qui lui demande secours, il est atteint de shirk. Dois-je lui faire da'wa comme un musulman ou comme un mushrik? C'est-à-dire, si je veux l'appeler à Allah Azza wa Jal et lui montrer. La réponse du Cheikh Rahimallah. Appelle-le avec une formule autre, ni celle-ci, ni celle-là. Dis-lui, ô homme, ô serviteur d'Allah, ton acte, regardez, ton acte que tu commets là est shirk et n'est pas une adoration. C'est une œuvre des associateurs ignorants. C'est l'œuvre de Quraysh et leurs semblables. Car il y a là un obstacle qui empêche de le déclarer mécréant. En outre, cela, c'est-à-dire le traité de Mushrik, en outre, cela engendrerait sa répulsion dès que tu l'abordes. Et aussi, car jeter le takfir sur une personne déterminée diffère de celui de l'acte qui est associationnisme. L'acte est shirk. Mais l'acteur n'est pas forcément mushrik. Je répète cette parole d'Ibn Baz. L'acte est shirk, mais l'acteur n'est pas forcément mushrik. Car il se peut qu'il y ait un obstacle contre son takfir, le fait qu'il est ignorant et n'est pas clairvoyant, comme l'affirment les savants. Aussi, le traiter comme mushrik le repousserait. Tu dois donc l'appeler par son nom et puis tu lui montres que cet acte est shirk. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, fut interrogé. السؤال ما الراجح في تكفير المعين الجواب إذا قامت عليه الأدلة والحجة الدالة على كفره ووضح له السبيل ثم أصر فهو كافر لكن بعض العلماء يرى أن من وقعت عنده بعض الأشياء الشركية وقد يكون ملبسا عليه وقد يكون جاهلا ولا يعرف الحقيقة فلا يكفره حتى يبين له ويرشده إلى أن هذا كفر وضلال وأن هذا عمل المشركين الأولين وإذا أصر بعد البيان يحكم عليه بكفر معين كتاب الفوائد العلمية من الدروس البازية المجلد الثاني الصفحات 273 274. Traduction. La question: quel est l'avis le plus fort concernant le takfir d'une personne déterminée, c'est-à-dire la déclarer mécréante alors que c'était une personne musulmane? La réponse du cheikh, de l'ex-mufti de l'Arabie Saoudite, rahimahullah ta'ala, il avait dit: Si les preuves sont établies sur elle, sur cette personne, si les preuves sont établies sur elle, ainsi que le dalil sur sa mécréance, et que la voie lui était éclaircie, puis elle persiste, alors elle est mécréante. Cependant, certains savants voient que si telle personne commet des choses relevant du shirk, il se peut qu'elle soit bernée ou bien ignorante, ne connaissant pas le vrai, alors il ne faut pas la considérer comme mécréante. Sauf après lui avoir démontré, clarifié que telle chose est kofr et égarement, et que c'est un acte des associateurs, premiers, anciens. Alors seulement, si elle persiste après démonstration, on la juge mécréance nominativement. Et Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah, fut interrogé. Voici la question. سئل الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالتوحيد؟ فأجاب: العذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به العبد ربه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، حتى قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولقوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، والنصوص في هذا كثيرة. فمن كان جاهلا فإنه لا يؤاخذ بجهله في أي شيء من أمور الدين، ولكن يجب أن نعلم أن من الجهلة من يكون عنده نوع من العناد، أي أنه يذكر له الحق ولكن لا يبحث عنه ولا يتبعه، بل يكون على ما كان عليه أشياخه ومن يعظمهم ويتبعهم، وهذا في الحقيقة ليس بمعذور لأنه قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحق. وهذا الذي يعظم من يعظم من متبوعيه شأنه شأن من قال الله عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وفي الآية الثانية إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. فالمهم أن الجهل الذي يعذر به الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق ولا يذكر له هو رافع للإثم، والحكم على صاحبه مما يقتضيه عمله. ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر منهم أي من المسلمين، وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه في الدنيا، وأما في الآخرة فإن شأنه شأن أهل الفترة يكون أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة. وأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون بما شاء الله، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى منهم دخل النار. ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة وسائل الإعلام المتنوعة واختلاط الناس بعضهم ببعض، وغالبا ما يكون الكفر عن عناد. انتهى جوابه رحمه الله. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المجلد الثالث، الصفحات 5-6. Traduction. La question: est-ce que l'homme est excusé pour l'ignorance en ce qui concerne le monothéisme? La réponse du Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah: l'excuse d'ignorance est confirmée en tout ce qui est adoration du serviteur pour son Seigneur, car Allah subhanahu wa ta'ala dit. Traduction du sens du verset: nous avons révélé à toi comme nous avons révélé à Noé et aux prophètes après lui. Surat An-Nisa, verset 163. Jusqu'à sa parole, Azza wa Jal, des messagers, annonciateurs et avertisseurs, pour que les hommes n'aient pas de preuve envers Allah après leur avoir dépêché des messagers. Verset 165. Et car Allah Ta'ala dit: et nous ne punissons qu'après avoir envoyé un messager. Et pour la parole d'Allah Ta'ala, et Allah n'égare pas des gens après les avoir guidés qu'en leur démontrant ce qu'ils devraient craindre. Surat At-Tawba, le repentir, verset 115. Et pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par celui qui détient mon âme en sa main, chacun de cette umma, c'est-à-dire la communauté de l'appel, ummat ad-da'wa, à laquelle parvient le message, chacun de cette umma, qu'il soit juif ou chrétien, puis qui ne croit pas en ce que j'ai apporté, il serait alors des gens du feu. Le hadith est chez Muslim et Ahmed. Et les textes dans ce sens sont nombreux. Donc, celui qui est ignorant, il ne serait pas puni à cause de son ignorance de n'importe quel aspect de la religion. Néanmoins, nous devons savoir que parmi les ignorants, il en est qu'il y a une sorte d'orgueil, c'est-à-dire que le vrai lui est mentionné, mais il ne le cherche pas, ne le suit pas. C'est plutôt qu'il s'attache à la voix des achiaires, de ses maîtres, et de ceux qu'il vénère et suit. Ce type, en vérité, n'est pas excusé, puisqu'une partie de la preuve lui était parvenue. Ce qui devait au moins être une ambiguïté pour lui, nécessitant une recherche afin de discerner le vrai. Et celui qui vénère ainsi ses maîtres entre sous la parole d'Allah. Traduction du sens rapproché du verset. Nous avons trouvé nos pères, c'est ainsi que vont s'exprimer des mouchriquines. Nous avons trouvé nos pères, nos ancêtres, sur une voie, sur une piste, et nous suivons leurs traces. Surat Az-Zukhruf, l'ornement, verset 23. Et sous l'autre verset, traduction rapprochée du sens du verset, nous avons trouvé nos ancêtres sur une voie, et nous sommes guidés sur leurs traces. Az-Zukhruf 22. Ce qui est important jusqu'ici, c'est que l'ignorance est une excuse pour l'homme jusqu'à la connaissance du vrai, celui auquel il ne lui avait pas été mentionné, c'est-à-dire le vrai, n'est pas encore un pécheur. Il n'y aura pas le jugement, c'est-à-dire de mécréants ou de pécheurs. Et si sa filière en musulman est attestée de ceci, qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée, si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il fait encore partie des leurs, c'est-à-dire des musulmans. Et s'il ne s'affiliait pas aux musulmans, son jugement est celui des gens de la religion à laquelle il adhère dans cette vie ici-bas. Tandis que dans l'autre vie, il aura le statut des gens dits de Al-Fatra, c'est-à-dire des périodes intermédiaires, où les messagers n'atteignaient, leur message n'atteignait plus certains gens. Donc, son sort dépend d'Allah Azza wa Jal le jour de Al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Et la vie le plus correct en cela est que Allah les éprouvera alors le jour du jugement dernier. Allah les éprouvera alors comme il veut. De ce fait, celui qui obéira accédera au paradis. Et celui qui désobéira entrera au feu. Mais nous attirons l'attention sur le fait que de nos jours, presque aucun lieu sur terre ne méconnaît encore la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce aux moyens médiatiques divers et en vertu des interactions entre les hommes. Et souvent, la mécréance dans ce cas a pour cause l'orgueil. Passons maintenant à une deuxième fatwa du Cheikh Rahimahullah Ta'ala. سئل أيضا الشيخ ابن عثيمين ما حكم من يصف الذين يعذرون بالجهل بأنهم دخلوا مع المرجئة في مذهبهم. C'est la parole des Haddadi. C'est la parole des Haddadi. C'est l'accusation des Haddadi. Voici la question, je la répète. ما حكم من يصف الذين يعذرون بالجهل بأنهم دخلوا مع المرجئة في مذهبهم. فأجاب رحمه الله وأما العذر بالجهل فهذا مقتضى عموم النصوص ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل. قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولولا العذر بالجهل لم يكن للرسل فائدة ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإرسال الرسل. فالعذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة وقد نص على ذلك أئمة العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. لكن قد يكون الإنسان مفرطا في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية، أي أنه قد يتيسر له أن يتعلم لكن لا يهتم، أو يقال له هذا حرام ولكن لا يهتم، فهنا يكون مقصرا من هذه الناحية ويأثم بذلك. أما رجل عاش بين أناس يفعلون المعصية ولا يرون إلا أنها مباحة ثم نقول هذا يأثم وهو لم تبلغه الرسالة، هذا بعيد. ونحن في الحقيقة يا إخواني لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا، لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا، إنما نحكم بما تقتضيه الشريعة. والرب عز وجل يقول إن رحمتي سبقت غضبي، فكيف نؤاخذ إنسانا بجهله وهو لم يطرأ على باله أن هذا حرام؟ بل إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: نحن لا نكفر الذين وضعوا صنما على قبر عبد القادر الجيلاني ولا على قبر البدوي لجهلهم وعدم تنبيههم. انتهى جواب شيخ العثيمين. والمصدر: لقاءات الباب المفتوح، اللقاء 33، السؤال 12. Traduction de cette fatwa du Cheikh Mohamed bin Saleh al-Uthaymeen, rahimahullah. La question: quel est le jugement de celui qui décrit ceux qui excusent par l'ignorance comme étant entrés parmi les Murji'ites dans leur dogme? C'est l'accusation des Haddadi. Quel est le jugement de celui qui décrit ceux qui excusent par l'ignorance comme étant entrés parmi les Murji'ites dans leur dogme? La réponse du Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. L'excuse d'ignorance est ce qui ressort des textes, et personne ne pourra jamais amener une preuve comme quoi l'homme n'est pas excusé par l'ignorance. Allah Ta'ala dit, traduction du sens rapproché du verset: et nous ne punissons qu'après avoir envoyé un messager. Surat Al-Isra, verset numéro 15. Et Allah Ta'ala dit: des messagers annonciateurs et avertisseurs, pour que les hommes n'aient aucune preuve envers Allah après l'envoi des messagers. Surat An-Nisa, les femmes, verset 165. Et s'il n'y avait pas d'excuse d'ignorance, il n'y aurait aucun intérêt d'envoyer des messagers. Et les hommes auraient été redevables selon la nature uniquement, la nature première, Al-Fitra. Or, l'excuse d'ignorance se dégage des arguments du livre et de la Sunna. Aussi, les imams, parmi les gens de science, l'avaient-ils souligné, comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, et comme Cheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Néanmoins, l'individu qui ne déploie pas l'effort nécessaire dans la recherche de la science a un péché à cause de ça. En d'autres termes, il peut trouver des conditions pour savoir et connaître, mais il n'a pas d'intérêt. Ou bien, on l'avertit, telle chose est illicite, mais lui, il ne s'arrête pas pour vérifier. Dans ce cas, il est pécheur pour son manque de recherche et son manque de motivation. Quant à l'homme qui vit parmi des gens qui commettent un péché, et lui, il ne le considère pas non plus comme une chose illicite. Il voit que c'est permis. Dirons-nous que c'est un pécheur, alors que le message ne l'avait pas atteint? Ceci est loin. Et en vérité, nous ne jugeons pas selon nos passions, mais selon ce qui émane de la charia. Le Seigneur Azza wa Jal dit: ma miséricorde l'emporta sur ma colère. Hadith Qudsi, qui se trouve chez l'imam Al-Bukhari, au numéro 7422. Comment allons-nous accuser quelqu'un à cause de son ignorance, alors qu'il n'avait pas pensé que telle chose serait illicite? Et Cheikh al-Islam, rahimahullah, Muhammad ibn Abdul Wahhab, avait même dit: nous ne rendons pas mécréants ceux qui avaient posé une idole sur la tombe de Abd al-Qadir al-Jilani ou sur celle de Al-Badawi à cause de leur ignorance et du fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui les avertirait. Fin de la fatwa de Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen. Et nous passons à une troisième fatwa toujours du Cheikh al-Uthaymeen. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أيضا في شرحه لكتاب التوحيد من صحيح البخاري إلى بدي: يبدو لي أنها لا زالت مسألة التكفير بالجهل ما زالت مشكلة عليكم، ولكني أتعجب كيف تشكل عليكم هذه المسألة؟ ما الذي جعلها تشكل من بين سائر أركان الإسلام وشروطه وواجبات الإسلام؟ إذا كان الرجل يعذر في ترك الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام ومن أعظم أركانه، مثل أن يكون ناشئا في بادية بعيدة عن المدن وعن العلم ولا يدري أنها واجبة، فإنه يعذر بذلك ولا يطلب منه القضاء. وإذا كان الجهل بالشرك لا يعذر به الإنسان، فلماذا أرسلت الرسل تدعو قومها إلى توحيد الله؟ لأنهم إذا كانوا لا يعذرون بالجهل معناه أنهم عالمون به، فلماذا ترسل الرسل؟ كل رسول يقول لقومه ما لكم من إله غيره، وقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا كان الإنسان ينتسب للإسلام ويفعل شيئا كفرا شركا ولكن لا يعلم أنه شرك ولم ينبه لذلك، فكيف نقول هل نحن أعلم بالحكم من الله وهل نحول بين العباد وبين رحمة الله ونقول هذه المسألة ونقول في هذه المسألة سبق غضبه رحمته؟ هذه المسألة يا إخواني ما هي عقلية؟ الكفر والتفسيق والتبديع حكم شرعي يتلقى من الشرع. فإذا كان الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ويقول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ويقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسولا إيش؟ يبين ويدعو للتوحيد. فإذا ارتفع العذاب هذا هو العذر، والآيات في هذا كثيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. لا يسمع بي، إذا لم يسمع لم يكن من أصحاب النار. والشواهد على هذا كثيرة. نعم بعض العلماء قال بذلك لكنه قول ضعيف، الأئمة على خلافه، على خلاف القول بأن الإنسان لا يعذر بالجهل في الكفر. Je répète ce fragment important. Toute la parole du Cheikh elle est très importante vraiment. On doit méditer ces paroles des savants. Il avait dit نعم بعض العلماء قال بذلك أي بعدم العذر، de ne pas excuser. نعم بعض العلماء قال بذلك لكنه قول ضعيف، الأئمة على خلافه، على خلاف القول بأن الإنسان لا يعذر بالجهل في الكفر. فكلام شيخ الإسلام مملوء بذلك أنه لا يكفر، وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا أنه لا يكفر الجاهل. وأنا الآن أشلو عليكم من كلام نقلته أمكنني أن أنقله، أما كلام شيخ الإسلام كثير ما يمكن نقله، ولكن الفتاوى ارجعوا لها مملوءة بذلك. فالحكم عند الله واحد، إذا ترك الصلاة جهلا فهو معذور، وإذا سجد للصنم جهلا كيف لا يعذر؟ أي فرق؟ وأما دعوى من ادعى أن الله أخذ العهد والميثاق علينا ونحن أمثال الذر بناء على صحة الحديث بذلك، فنحن لا نعرف هذا الميثاق وكيف نكلف بما لا نعرفه؟ ولو كان هذا حجة ما احتاج إلى أن ترسل الرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله، لأنه قد قامت الحجة من قبل. فأنا أتعذر من كونكم لم تستوعبوا هذه المسألة، وهي مسألة لا فرق بينها وبين غيرها. ومن قال إن تارك الأصول يكفر وتارك الفروع لا يكفر، تحداهم شيخ الإسلام رحمه الله، بينوا لنا ما هي الأصول والفروع، ومن الذي قسم الدين إلى أصول وفروع إلا أهل الكلام؟ فهم يجعلون مثلا المسائل العظيمة فروعا لأنها عملية كالصلاة مثلا مع أنها أصل من أصول الإسلام، ويجعلون بعض المسائل الخبرية التي اختلف فيها أهل السنة يجعلونها من الأصول وهي محل خلاف. فالمهم أن هذه المسائل يجب أننا نتحرى فيها، خصوصا مسألة التكفير. لا نكفر عباد الله بما لم يكفرهم الله به. أما ما نقلته عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فها أنا ذا أتلوه عليكم. أولا، يقول في كتاب وجهه إلى من يصل إليه من المسلمين، يعني نصيحة عامة إلى بدي، أخبركم أني ولله الحمد عقيدتي وديني الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة المسلمين. ثم المضى يقول: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله. المجلد الأول، الصفحة 53، وفي الصفحة 56 في كتاب كتبه إلى عالم من علماء العراق الياء النوت إسي، يقصد الشيخ رسالة الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى السويدي البغدادي، في كتاب كتبه إلى عالم من علماء العراق مثل هذا الكلام سواء إلى فيدي: وما ذكرت أني أكفر جميع الناس إلا من اتبعني، وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة، فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ وهل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ إلى أن قال: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ولعن الناس عنه وعادى من فعله، فهذا هو الذي أكفره. وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. وفي الصفحة 65 في جواب سؤال قال رحمه الله: ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف فأنكر. ثم مضى يقول في الصفحة 66: وأما الكذب والبهتان أننا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وأننا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به عن دين الله ورسوله. وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ صحيح هذا وإلا لا. انتهى كلام شيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ العثيمين كومونت: صحيح هذا وإلا لا. الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا؟ شيخ الإسلام أيضا له كلام أبين من هذا وأكثر وأعظم في أنه لا بد من قيام الحجة، لا بد من قيام الحجة، أي لا بد من العذر، في أنه لا بد من قيام الحجة، والله عز وجل رحمته سبقت غضبه. كيف يؤاخذ من لم يعرف؟ رجل يظن أن عبادة هذا الولي قربه وهو مسلم ويقول: أنا أدين بدين الإسلام. دعونا من الإنسان الذي لم يدخل في دين الإسلام وهو يدين بدين آخر، هذا شيء آخر، هذا حكمه حكم أهل الفترة. لكن رجل يدين بالإسلام يصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصوم ويحج لكن يعبد الصنم، ولم يأتي أحد يقول له إن هذا شرك، هذا جهل. أما الإنسان الذي لم يدخل في الإسلام ويعرف من الإسلام شيء وهو على دين آخر، هذا لا شك أنه كافر. أما أو إنسان لم يدخل في الإسلام على دين قومه وهو لا يعرف عن الإسلام شيئا ولا ينتمي للإسلام في مجاهيل الدنيا، هذا حكمه على القول الراجح حكم أهل الفترة، وأنه يكلف يوم القيامة بما شاء الله ثم ينظر سبيله. هذا ما أحببت أن أبينه في هذه المسألة، وأن المدار كله على قيام الحجة رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأي فائدة إذا كان الرسل قد بينوا الحق وأنا لم أعلم به؟ أنا ومن لم يأته الرسول على حد سواء، وبناء عليه يتبين جواب السؤال الذي ذكره الأخ الشيخ. نعم، السائل: حكم الجهال الذين يعيشون في أوساط فيها علماء أهل بدع. السائل: حكم الجهال الذين يعيشون في أوساط فيها علماء أهل البدع، فيلتبس عليهم ولا يستفيدون من علماء أهل الحق ما يكشف عنهم ذلك. الشيخ: إذا كانوا يسمعون من ينادي بالحق فهؤلاء غير معذورين، هؤلاء مفرطون، ولا نستطيع أن نحكم بكفرهم ولا عدم كفرهم. قد نقول إن تفريطهم هذا معصية، لأن الواجب أنه لما قيل لهم إن هذا شرك وقال لهم من لا يثقون بهم، لأنهم سيثقون بعلمائهم أكثر، الواجب عليهم أن يبحثوا ويتوقفوا. فقد يقال إنهم عصوا بعدم البحث وهم باقون على الحكم بما يقصديه الجهل، أي بمعنى أنهم مسلمين. وقد نقول إنهم لما فرطوا فإنهم لا يعذرون، لأن الواجب أن يبحثوا. وأظن أن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن هؤلاء يعتبرون مفرطين ومقصرين في طلب الحق، ولكن لا يحكم بكفرهم. أظن ظنا، ولا تعتمدوا هذا حتى تراجعوه. شيخ العثيمين avait dit: ne prenez pas cette dernière partie avant de la réviser. Nous traduisons maintenant la parole de l'imam al-Uthaymin رحمه الله, et c'est la troisième fatwa. Cheikh Ibn Uthaymin رحمه الله avait déclaré lors de son explication sur le livre du monothéisme depuis l'authentique de Al-Bukhari: il me semble que la question de l'excuse d'ignorance vous pose encore problème. Néanmoins, je m'étonne comment cette question peut-elle vous poser problème. Qu'est-ce qui fait qu'elle vous pose problème parmi tous les piliers de l'islam, parmi ses conditions et ses obligations? Si l'homme est excusé pour avoir délaissé la salat, qui est un pilier de l'islam, parmi les plus grands, comme dans le cas où quelqu'un grandit dans une campagne lointaine, loin des villes, loin de la science, et qu'il ne savait pas qu'elle est obligatoire, alors il est excusé pour cela, et on ne lui demande pas de la rattraper, c'est-à-dire s'il se repent. Si l'homme n'était pas excusé pour le shirk, pourquoi donc les messagers étaient-ils envoyés appelant leur tribu au monothéisme? Car si on postulerait qu'ils ne sont point excusés pour l'ignorance, cela revient à dire qu'ils sont des connaisseurs, des savants. Pourquoi donc leur envoyer des messagers? Chaque messager avait dit à sa tribu: vous n'avez nulle véritable divinité que lui, c'est-à-dire Allah. Surat Al-A'raf, verset 59. Et dans le Coran, on trouve aussi: et nous n'avons point envoyé de messager avant toi sans lui révéler qu'il n'y a nulle divinité d'être adoré que moi, alors adorez-moi exclusivement. Surat Al-Anbiya, les prophètes, verset 25. Par conséquent, si l'homme s'affiliait à l'islam, qu'il commette un acte de mécréance, d'associationnisme, mais sans savoir son jugement, et qu'il ne fut pas averti pour cela, qu'est-ce que nous dirons donc dans ce cas? Note du traducteur: Cheikh Al-Uthaymin pose cette question grave. Les Haddadi, Hatif, seraient enclins d'y répondre selon leur madhhab bid'i, leur ignorance et leur passion. Or, il s'agit d'une question grave et sérieuse. Fin de cette note. Cheikh Ibn Uthaymin avait posé cette question. Par conséquent, si l'homme s'affilie à l'islam, qu'il commette un acte de mécréance, d'associationnisme, mais sans savoir, sans jugement, et qu'il ne fut pas averti pour cela, qu'est-ce que nous dirons dans ce cas? Est-ce que nous connaissons davantage, s'agissant de ce jugement, qu'Allah? Est-ce que nous allons nous interposer entre les serviteurs et la miséricorde d'Allah? Est-ce que nous allons dire de cette question, de cette mas'ala-là, sa colère l'emporte sur sa miséricorde? Oh mes frères, cette question n'est pas délaissée à la raison, la mécréance, la perversité, l'innovation. Ce sont des jugements légiférés que nous recevons de par la législation. Puisqu'Allah dit, et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, essuie un sentier autre que celui des croyants. Alors, nous lui collerons ce qu'il s'est collé et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Surat An-Nisa, les femmes, verset numéro 115. Faites attention à cette partie. Après que le droit chemin lui est apparu, essuie un sentier autre que celui des croyants. Cheikh Al-Uthaymin commente après ce verset. Et Allah dit aussi, Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les ait guidés jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Surat At-Tawba, verset 115. Et il dit, et nous ne punissons qu'après avoir envoyé un messager. Surat Al-Isra, numéro 15. Un messager pour faire quoi? Pour clarifier, appeler au monothéisme. Donc, si la punition n'était pas encore due, c'est cela l'excuse. Je répète, un messager, c'est pour clarifier, pour appeler au monothéisme. Donc, si la punition n'était pas encore due, cela, c'est l'excuse. C'est cela l'excuse. Et les versets en cela sont nombreux. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'y a pas un individu de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, qui entend parler de moi, puis il ne croit pas en ce que j'avais apporté, qu'il ne soit parmi les gens du feu. Il a mis comme condition, qui entend parler de moi, de ce fait, s'il n'entend pas parler de lui, s'il n'est pas encore des gens du feu, s'il n'entend pas encore parler de lui, il n'est pas encore des gens du feu. Et les textes attestant de cela sont nombreux. Certes, certains savants avaient émis l'avis contraire, c'est-à-dire celui de ne pas excuser par l'ignorance, mais c'est un avis faible. Je répète ce qu'a jugé Cheikh Al-Uthaymin, l'avait dit. Certes, certains savants avaient émis l'avis contraire, c'est-à-dire celui de ne pas excuser par l'ignorance. Mais c'est un avis faible. Les imams le contredisent. Ils contredisent l'avis qui stipule que l'homme ne serait pas excusé par l'ignorance dans les questions relatives à la mécréance. Par exemple, les propos de Cheikh al-Islam sont remplis de cela. Qu'il ne me croit pas, c'est-à-dire al-Jahil, qu'il ne me croit pas. Et les propos de Cheikh al-Islam, Mohammed bin Abdul Wahhab aussi. Et que le jahil, l'ignorant, n'est pas rendu mécréant. Et je vous cite maintenant des paroles que j'ai pu copier. Quant aux paroles du Cheikh al-Islam, Elles sont nombreuses. On ne saurait les copier. Mais regardez dans Al-Fatawa. Vous trouverez qu'elles sont remplies de ça. Partant, le jugement chez Allah est le même. S'il délaisse la salat par ignorance, il est excusé. Et s'il se prosterne pour l'idole par ignorance, il ne serait pas excusé. Quelle est la différence? Quant à la prétention que puisqu'Allah avait tenu serment et promesse de nous, quand nous étions comme des atomes, conformément au hadith authentique en cela, le cheikh fait allusion au hadith de l'essuyage du dos d'Adam, alayhi salam, après la création d'Adam. Quant à la prétention que puisqu'Allah avait tenu serment de nous, quand nous étions comme des atomes, conformément au hadith authentique en cela, la réponse est que nous ne savons pas quelle est cette promesse. Et comment serons-nous chargés de rendre des comptes sur ce que nous ne savions pas? Si cela était une preuve, on n'aurait pas besoin d'envoyer les messagers pour appeler les gens à l'adoration d'Allah, puisque la preuve aurait été, pour ainsi dire, déjà établie. Donc, moi je m'étonne que vous n'assimiliez pas à cette question. C'est une question similaire aux autres. Et ceux qui avaient avancé que celui qui délaisse des fondements mécroit, alors que celui qui délaisse des détails ne serait pas mécréant, ceux-là, Cheikh l'Islam, rahimahullah, les avait défiés. Et il leur avait dit, et qui est-ce qui avait subdivisé la religion en des fondements et des détails, au sol ou au foroe? Si ce n'est les gens de Al-Kalam. Or, ils avaient rangé des questions importantes parmi les branches, parmi les détails. Et leur justification, c'est qu'elles relèvent des actes, comme As-Salat. Comme la Salat, par exemple, malgré qu'elle constitue un des piliers de l'islam. Par contre, ils rangèrent certaines questions d'ordre informatif, Masa'il Khabariya, et sur lesquelles Al-Sunna avait divergé. Ils les rangèrent parmi les hauts sols, parmi les fondements, malgré qu'elles sont sujets à divergence. Voici leur contradiction. Bref, nous devons être méfiants et attentifs vis-à-vis de ces questions. Regardez ce que le cheikh dit ici. Nous devons être méfiants et attentifs vis-à-vis de ces questions, surtout celles de At-Takfir. Nous n'avons pas à rendre les serviteurs d'Allah mécréants, parce qu'Allah ne les avait pas rendus mécréants. Quant à ce que j'ai copié chez Cheikh l'Islam, Mohammed bin Abdelwahab, rahimahullah, voici que je le récite pour vous. Il dit dans un livre qu'il adressa à qui le reçoit parmi les musulmans, c'est-à-dire que c'était une nasiha, un conseil général. Je cite, « Je vous informe sur ma croyance, et toute la louange est à Allah. Je vous informe sur ma croyance, et le din avec lequel je rends culte à Allah. Et toute la louange est à Allah. C'est le mazhab, c'est la voie de Al-Sunna wal-Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe, sur lequel sont les imams des musulmans. Puis il est parti dans son discours jusqu'à ce qu'il dit, quant au takfir, déclarer quelqu'un mécréant, je rends mécréant quiconque connut la religion du messager, puis, après l'avoir connu, il l'insulte. Il interdit aux gens de la pratiquer, et il se donne comme ennemi celui qui s'y attache. Le volume numéro 1, page 53. Et à la page 56, dans un livre qu'il écrit à un savant d'Irak, son épître à As-Suwaydi al-Baghdadi, il y a une parole analogue à celle-ci. Il dit, et ce que tu avais prétendu sur mon compte, comme quoi j'aurais rendu tous les hommes mécréants, hormis ceux qui me suivent, et que je prétends que leurs noces parce que leur mariage ne serait pas correct. Que c'est étonnant. Comment cela entrerait dans l'esprit d'un homme raisonnable? Est-ce qu'un musulman oserait jamais s'exprimer ainsi? Est-ce qu'un mécréant, un connaisseur ou un fou l'oserait-il? Jusqu'à ce qu'il dit, quant au takfir, je rends kafir, je rends mécréant, celui qui connut la religion des messagers. Ensuite, après l'avoir connu, il l'insulte, interdit aux gens de la suivre, et se fait ennemi, tout un chacun qui y tient. C'est bien celui-là que je rends ennemi. Et, louange à Allah, la majorité de la Ummah n'est pas ainsi. C'est bien celui-là qu'il rend kafir. Et louange à Allah, la majorité de la Ummah n'est pas ainsi. Et dans la page 65, de la réponse à une question, il avait dit, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il avait dit, et nous ne rendons mécréants que par ce sur quoi il y a consensus de tous les savants, à savoir les deux attestations de la foi à Shahadatan. En outre, nous ne rendons mécréants qu'après la clarification, si un tel connaît et qu'il dément. Fin de la citation. Ensuite, il est parti jusqu'à l'endroit où il déclare quant au mensonge et à l'imposture, comme quoi nous rendons mécréants en gros, en général, et que nous rendons la hijra vers nous obligatoire, mais pour celui qui peut manifester sa religion, et que nous rendons mécréants, celui qui ne nous rend pas mécréants, et qui ne combat pas, et de ce genre, beaucoup de paroles ainsi. Tout cela n'est qu'un mensonge, imposture, par quoi il détourne de la religion d'Allah et de son messager. Note du traducteur, ce qui était un mensonge que les soufis imputèrent à l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab pour le combattre est désormais la aqida des Haddadi. Fin de cette note. Donc il avait dit, tout cela n'est qu'un mensonge, imposture, par quoi il détourne de la religion d'Allah et de son messager. Car, si nous ne rendons pas mécréants, celui-là même qui adore l'idole qui est sur Abd al-Qadir, et celle qui est sur la tombe de Ahmed al-Badawi, et leurs semblables, à cause de leur ignorance, et de l'absence de qui peut les avertir, comment allons-nous rendre mécréants celui qui ne donne pas un associé à Allah pour n'avoir pas accompli la hijra vers nous? Fin de la citation. Cela est-il correct ou non? Cheikh Al-Uthaymeen commente. Cela est-il correct ou non? L'idole qui est sur Abd al-Qadir et l'idole qui est sur la tombe de Ahmed Badawi, à cause de leur ignorance et à cause de l'absence de qui pourrait les avertir, comment allons-nous rendre mécréants celui qui n'avait pas donné un associé à Allah ou n'avait pas entrepris la hijra vers nous? Cheikh al-Islam a également une parole plus explicite que celle-ci, plus solennelle et plus grandiose sur la nécessité d'établir la preuve. Et la miséricorde d'Allah l'emporte sur sa colère. Comment punirait-il celui qui ignore? Un homme qui pense qu'adorer tel allié, tel wali, serait une chose qui le rapproche d'Allah. Et il est musulman, il déclare, ma religion est l'islam. Laissons celui qui n'est pas entré en islam et qui prend une autre religion. Celui-ci a le jugement de Ahl al-Fatra, des périodes intermédiaires auxquelles le message n'est pas parvenu. Celui-là a le jugement de Ahl al-Fatra. Mais un homme qui a l'islam comme religion, il prie, il atteste que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah, que Mohammed est son messager, il jeûne, il fait as-siyam, il accomplit le pèlerinage, al-hajj, mais il adore une idole, et personne n'est venu lui dire, ceci est du shirk, celui-ci est ignorant. Quant à la personne qui n'est pas entrée en islam, mais qui connaît sur l'islam et qui choisit une autre religion, il n'y a nul doute que celui-ci est mécréant. Ou bien, une personne qui n'est pas entrée en islam, elle est sur la religion de son peuple, elle ne connaît rien sur l'islam, elle n'adhère pas à l'islam, elle compte parmi les ignorants de cette vie d'ici-bas. Son jugement, selon l'avis le plus juste, est celui de Ahlul Fasra, et qu'elle aura les obligations le jour du jugement dernier, comme Allah le veut. Ensuite, elle verra son sort. Voici ce que j'ai voulu montrer concernant cette question, et qu'elle repose sur l'établissement de la preuve. Des messagers annonciateurs et avertisseurs, pour que les hommes n'aient pas de preuve devant Allah après l'envoi des messagers. Surat An-Nisa, verset 165. Quel est l'intérêt si les messagers avaient montré le vrai, mais que moi, je ne l'avais pas su, je ne l'avais pas reçu? Je suis à pied d'égalité avec celui auquel le messager et auquel le message n'est pas venu, c'est-à-dire Ahlul Fasra. Ainsi aurons-nous répondu à la question du frère. Le questionneur pose la question à Cheikh Al-Uthaymeen. Le questionneur: quel est le jugement des ignares qui vivent dans des milieux où il y a des savants, des gens d'innovation, qui les confondent et ne profitent pas? Donc ces ignorants ne profitent pas des savants, des gens du vrai, ce qui leur dissiperait leur confusion. Le Cheikh: S'ils entendaient celui qui appelle au vrai, alors ils ne sont pas excusés. Il y a un manquement de leur part, mais nous ne pouvons pas les déclarer mécréants, ni les innocenter totalement de la mécréance. Nous pouvons dire, leur manquement est un péché, car leur devoir était de chercher et de s'arrêter pour vérifier dès qu'il leur était dit telle chose est shirk. Mais ils n'ont pas confiance en ces avertisseurs. Et ils ont confiance davantage en leurs savants. On peut dire qu'ils avaient péché et désobéi par le fait de n'avoir pas cherché. Ils ont toujours le même jugement de l'ignorance, à savoir qu'ils sont musulmans. Mais l'on peut dire aussi que lorsqu'ils n'ont pas donné suite, ils ne sont pas excusés, car leur devoir était de chercher. Je pense que Cheikh al-Islam aurait dit cela, qu'ils sont considérés comme ayant manqué au devoir de chercher, le vrai. Cependant, on ne juge pas de leur mécréance. Je le pense ainsi. Mais ne le prenez pas avant de le vérifier et de réviser. Et voici une autre parole de Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah. Il avait dit: فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين. الأمر الأول دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب. الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع. La référence de cette citation: شرح كشف الشبهات الصفحة 57. Traduction de cette parole. Et il avait dit, rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son explication du matin de كشف الشبهات: avant de statuer de At-Takfir, il est obligatoire de regarder, d'observer deux aspects. Le premier, la preuve, l'argument du livre et de la sunna, que ceci est un axe de mécréance, afin de ne pas mentir à l'égard d'Allah Azza wa Jal. Le second est la conformité de ce jugement sur la personne déterminée, de sorte que les conditions soient remplies et que les interdits de takfir, les interdits de takfir soient absents. Passons à une autre parole toujours de l'imam Mohamed Saleh al-Usaymin, rahimahullah. Il avait dit, بعد نقله لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في إقامة الحجة قال والحاصل أن الجاهل معذور مما يقوله أو يفعله مما يكون كفرا كما يكون معذورا مما يقوله أو يفعله مما يكون فسقا وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة والاعتبار وأقوال أهل العلم. La référence de cette citation, de cette dernière citation de Cheikh Al-Uthaymin, Al-Masdar al-Sabiq, Ayn Sharh Kashubuat, Al-Safha et Snain wa Sittin. Traduction de cette dernière citation de Cheikh Al-Uthaymin dans ce propos. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit aussi, et en résumé, l'ignorant est excusé de ce qu'il dit ou fait, de ce qui serait mécréance ou perversité en vertu des arguments du livre et de la sunna, ainsi que de la considération des paroles des gens de science. Passons maintenant à une citation d'un autre imam de la da'wa et qui est Al-Allama Salih bin Fawzan Fawzan Hafidhahullah Ta'ala. Il fut interrogé, mal farqu bayna al-wasf bil kufri والحكم على المعين بالكفر والاعتقاد بكفر معين. الجواب: أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستهزاء بالدين ومسبة الدين، هذا كفر بالإجماع بلا شك، لكن الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل هذا يتأمل فيه، فإن كان جاهلا أو كان متأولا أو مقلدا فيدرع عنه الكفر حتى يبين له، لأنه قد يكون عنده شبهة أو عنده جهل فلا يتسرع في إطلاق الكفر عليه حتى تقام عليه الحجة، فإذا أقيمت الحجة واستمر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه ليس له عذر. المصدر: انظر شرح رسالة الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك للشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الصفحة 212 من شرح الشيخ فوزان حفظه الله تعالى. Traduction de cette fatwa du Cheikh Saleh Al-Fawzan حفظه الله. Il fut interrogé, quelle est la différence entre le fait de décrire telle chose comme kufr, comme mécréance, et entre le jugement d'une personne déterminée comme étant mécréante et croire ainsi la mécréance de telle personne. C'est la diade dont on a parlé tout à l'heure, la diade entre kufr et le kafir, entre shirk et le mushrik. La réponse du Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, s'agissant des actes, les qualifier de kufr, comme celui d'invoquer autre qu'Allah, d'immoler pour un autre qu'Allah, de demander secours à un autre qu'Allah, de se moquer d'Allah, d'insulter le dîn, tout cela est kufr à l'unanimité, sans doute. Mais l'individu, la deuxième partie de la diade, mais l'individu, lui, qui commet tel acte, il y a lieu de voir, de méditer, de contempler « at-ta'ammul ». Il y a lieu de voir s'il est ignorant, s'il a une interprétation, s'il est imitateur, alors le kufr lui est épargné jusqu'à lui montrer, car il peut avoir une ambiguïté ou une ignorance. Il peut avoir une ambiguïté ou une ignorance. Donc, on ne se hâte pas de le déclarer mécréant. Oh, Haddad Allah yahdikum. On ne se hâte pas de le déclarer mécréant jusqu'à ce que la preuve soit établie sur lui. Alors seulement si Al-Hujja fut établie sur lui et qu'il continue sur son état précédent, on le juge de kofr, car il n'a plus d'excuses. Passons maintenant à une parole du mufti Samahat al-Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah al-Sheikh Hafidallah في مسألة العذر بالجهل. السؤال: في بعض الدول الإسلامية طوائف تكفر كل من خالف منهجها أيا كان هذا الشخص حتى لو أنه من أهل تلك البلد، ما القول الفصل في مسألة التكفير والتفسيق خاصة للشخص المعين؟ وهل هناك ضوابط أو صفات إذا اتصف بها الشخص أو جماعة حكم بكفره أو كفرهم؟ جواب الشيخ حفظه الله: التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل كل هذه أحكام شرعية لها آثارها العملية في ديننا، والمرجع فيها لأهل العلم الراسخين الموثوقين، وليس لكل أحد من الناس التصدي لهذا الأمر، فإنه أمر خطير ومزلة قدم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما يقول وإلا رجعت عليه. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه أيضا. ومعنى حار عليه أي رجع عليه. فالأمر خطير، وليس كل من خالف قولك فهو كافر. فالأمور التي يكفر بها المسلم إذا تلبس بها أمور قد بينها أهل العلم في كتبهم في كتاب حكم المرتدين من سائر المذاهب، ومرجعها إلى ثلاثة أصول: الاعتقاد وهو أعظمها، والقول، والعمل. وليس كل من قام به الكفر فهو كافر. C'est la diade dont on parlait tout à l'heure. وليس كل من قام به الكفر فهو كافر، أي ليس كل من وقع في الكفر أو الفسق أو البدعة يحكم عليه بأثر ذلك من تكفير وتفسيق وتبديع. كلا، بل لا بد من قيام المقتضى وانتفاء المانع. والمقتضي للتكفير أمور، منها وقوع الشخص في الكفر، ومنها قيام الحجة الرسالية عليه من رجل يحسن إقامة الحجة. Voici celui qui peut faire l'établissement de la preuve. رجل يحسن إقامة الحجة. Non pas quelqu'un qui a la passion, mais un homme pieux qui veut donc vraiment guider les gens vers le sentier d'Allah Azza wa Jal. ومنها قيام الحجة الرسالية عليه من رجل يحسن إقامة الحجة عليه إلى غير ذلك. وكذلك أيضا يجب أن ينتفي المانع من التكفير كالإكراه أو عدم القصد أو نحو ذلك. وعليه فالواجب على المسلمين عموما كف ألسنتهم وعدم الخوض في هذا المرتع الوخيم، وأن يترك هذا لأهل العلم الراسخين. Et la référence de cette fatwa: جريدة الشرق الأوسط، العدد 818، يوم السبت 21 من شهر محرم 1422 للهجرة. Traduction de cette fatwa du mufti حفظه الله تعالى. Voici la question qui fut posée au mufti actuel du royaume d'Arabie Saoudite. La question: dans certains pays, il y a des groupes qui rendent mécréants tout un chacun qui n'est pas sur leur méthodologie, même s'il est de ce pays-là. Quel est l'avis décisif sur la problématique de At-Takfir et de At-Tafsir, rendre mécréant ou rendre pervers, surtout pour l'individu précis? Est-ce qu'il y a des normes ou des qualificatifs qui font que celui qui les réunit, qu'il soit une personne ou un groupe, on le juge ou bien on les juge mécréants? La réponse du Cheikh Hafidallah: rendre mécréant, pervers, innovateur ou égaré, tous ceux instant des jugements légiférés, ayant des répercussions pratiques dans notre religion. La référence en cela sont les gens de science ancrés et sûrs. Il n'appartient pas à tout un chacun parmi les gens de s'attaquer à ce sujet, car il s'agit là d'un thème dangereux, et là, bien des pieds succombent. D'après Ibn Omar, qu'Allah les agrée, il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait dit, si un homme dit à son frère, oh le mécréant, alors l'un d'eux l'aurait reçu. Si c'est comme il avait dit, sinon cela retourne à lui. Hadith qui se trouve chez Al-Bukhari et Muslim. Et d'après Abu Dharr, radiyallahu anhu, il avait entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, celui qui appelle un homme par la mécréance, ou bien qui dit, oh ennemi d'Allah, et que ce n'est pas le cas, alors cela retourne à lui. Et c'est un hadith qui se trouve également chez Al-Bukhari et Muslim. Et le sens de Hara alayhi est retourné à lui. De ce fait, il s'agit d'un sujet dangereux. Non pas que tout un chacun qui te contrarie serait mécréant. Non pas que tout un chacun qui te contrarie serait mécréant. Puisque ce par quoi un musulman succombe dans la mécréance, s'il en contracte, sont des choses que les gens de science avaient clarifiées dans le chapitre 12, Kitab Hukm al-Murtaddin, le livre du jugement des apostats, et ce dans tous les médahib, toutes les écoles. Cela revient à trois points fondamentaux. La croyance, et c'en est le plus grand. La parole et l'acte. C'est-à-dire que le cheikh fait allusion au fait que la mécréance ressort de l'i'tiqad et des paroles et des actes. Et les gens de science explicitent parfois en mettant en exergue aussi le doute, al-kufru bishak. Fin de la note d'explication, wallahu a'lam. Non pas que tout un chacun qui contracte une mécréance serait mécréant. Autrement dit, non pas tout individu qui commet une mécréance, une perversité ou une innovation serait jugé par ce qui se rapporte à cela respectivement en takfir, en tafsir ou en tabdi'. Non, il est obligatoire que les conditions soient réunies et que les empêchements soient invalides, soient infirmés. Les conditions de at-takfir relèvent de, premièrement, que l'individu commette un kufr. Deuxièmement, que la preuve du message soit établie sur lui par un homme apte à faire cela, par un homme apte, capable, compétent à faire cela, iqamat al-hujja, et ainsi de suite. D'autre part, il faut aussi que l'interdit soit écarté, à savoir les interdits qui sont la contrainte et la non-volonté et les choses similaires. De ce fait, les musulmans en général devront maîtriser leur langue, ne pas donner dans ce sujet pernicieux et de laisser cela aux gens de science ancrés. Et passons maintenant à une dernière fatwa et qui est de al-Sheikh al-Allama ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله. السؤال سؤال حول العذر بالجهل. الجواب هذه المسألة مسألة العذر بالجهل أو عزم العذر يركض من ورائها أناس أهل فتنة ويريدون تفريق السلفيين وضرب بعضهم ببعض. وأنا كنت في المدينة اتصل بي رياض السعيد وهو معروف وموجود في الرياض الآن قال لي إن هنا في الطائف 50 شابا كلهم يكفرون الألباني. لماذا؟ لأنه لا يكفر القبوريين ويعذرهم بالجهل. طيب هؤلاء يكفرون ابن تيمية وابن القيم وكثيرا من السلف لأنهم يعذرون بالجهل وعندهم أدلة منها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ونصوص أخرى فيها الدلالة الواضحة، ومنها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى، ومنها وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ونصوص أخرى تدل على أن المسلم لا يكفر بشيء من الكفر وقع فيه. نقول وقع في الكفر، هذا كفر وقع فيه عن جهل مثلا، فلا نكفره حتى نبين له الحجة ونقيم عليه الحجة، فإذا عاند كفرناه. وهذا القول عليه كثير من أئمة العلماء في نجد، وبعضهم يتناقض كلامه مرة يشترط إقامة الحجة، ومرة يقول لا يعذر بالجهل، فيتعلق أناس بأقوال من لا يعذر بالجهل، ويهمل النصوص الواضحة في اشتراط قيام الحجة، وأنه لا يكفر المسلم الذي وقع في مكفر حتى تقام عليه الحجة. ومنهم ما ذكرته لكم عن الإمام الشافعي رحمه الله، والنصوص التي ذكرتها لكم. كنت أعرف شيخا فاضلا لا يعذر بالجهل، ونحن والله ندرس في صامتة، وزارنا هذا الشيخ ويحمل هذه الفكرة، لكنه ما كان يثير الفتن ولا يناقش ولا يجادل ولا يضلل من يعذر بالجهل، ولا يضلل من لا من يعذر بالجهل. وعشنا نحن وإياه أصدقاء قرابة 40 سنة، وقد مات من عهد قريب. وجلست مرة في أحد المجالس وواحد يقرر عدم العذر بالجهل، فذكرت له هذه الأدلة، وذكرت له أن العلماء في نجد يعرف بعضهم بعضا، بعضهم يعذر بالجهل وبعضهم لا يعذر، وهم متآخون، ليس هناك خلافات ولا خصومات ولا إشاعات ولا. فسكت ولن يجادل لأنه لا يريد الفتن. فنحن نعرف أن الخلاف هذا واقع في نجد بين بعض المشايخ وغيرهم، لكن لا خصومة ولا تضليل ولا حرب ولا فتن، وإنما هذه طريقة الحدادية يا إخوان، الفئة الحدادية الماكرة الضالة، أنشئت لإثارة الفتن بين أهل السنة وضرب بعضهم ببعض، وهم تكفيريون متسترون، وعندهم بلايا أخرى يمكن غير التكفير، ويستخدمون أخبث أنواع التقية سترا على منهجهم الخبيث وأغراضهم الفاسدة. وأنا رأيت شابا تأثر بهذا المنهج، وكان يحمل كتابا فيه أقوال منتقاه في عدم العذر بالجهل، ويتنقل ما بين الرياض والطائف ومكة والمدينة وإلى آخره، وكان عندنا ويدرس عندنا، ثم ما شعرنا إلا وهو يحمل هذا الفكرة بهذه الطريقة. فناقشته مرارا وبينت له منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهج السلف والأدلة وكذا، وهو يجادل. قلت له من إمامك؟ قال فلان وفلان. بحثت فوجدت والله عندهم أقوال متضاربة، مرة يعذر بالجهل ومرة لا يعذر بالجهل. قال لي معي فلان. قلت له فلان هذا كلامه قد أعددته له. قلت له فلان هذا كلامه قد أعددته له، هذا فلان هنا يعذر بالجهل ويشترط إقامة الحجة. قال لا، أنا مع ابن القيم. قلت له ابن القيم من زمان رفضته أنت، ابن القيم يشترط إقامة الحجة، فبهت، لكنه مصر على ضلاله، فعاند وطرد من البلاد هذه، ثم رجع. وفي مناقشاتي له قلت له يعني قوم الكفار في جزيرة من الجزر، في إحدى جزر بريطانيا أو جزر المحيط الهادي أو غيرها، ما أتاهم أحد من السلفيين، وجاءهم جماعة التبليغ وعلموهم وقالوا هذا الإسلام فيه خرافات، فيه بدع، فيه حلول، فيه ضلالات، وفيه. قالوا لهم هذا الإسلام فقبلوه وتقربوا إلى الله ويعبدون الله على هذا الدين الذي يسمى الإسلام تكفرهم أنت أو تبين لهم وتقيم عليهم حجة. قال هم كفار ولا يشترط إقامة الحجة. قلت له اذهب اذهب إلى الجزائر فأنت أشد من هؤلاء الثوار الآن, أنت أشد تكفيرا منهم, اذهب عندهم, ليس لك مجال في البلاد هذه. مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في هذا قائم على الحجج والبراهين, وهو مذهب السلف إن شاء الله. ومن تبنى واقتنع بغير هذا وسكت ما لنا شر فيه, لكن يذهب يثير الفتن ويضلل ويكفر, فلا لا والله لا يسكت عنه. وأنصح الشباب أن يتركوا هذه القضية, أنصحهم لأنها وسيلة من وسائل أهل الشر والفتن يبثونها بين المسلمين. طيب, مر عليكم دهور من عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا هذا, ليس هناك صراعات بينهم, ليس هناك صراعات بينهم في القضية هذه أبدا. الذي شهد ورأى هذا المذهب سكت ومشى, قرره في كتابه ونشره فقط ومشى, والذي يخالفه مشى, كلهم إخوة, ليس بينهم خلافات ولا خصومات ولا أحد يضلل أحدا ولا يكفره. أما هؤلاء يكفرون, انظروا توصلوا به إلى تكفير أئمة الإسلام, مما يدلك على خبث طواياهم وسوء مقاصدهم. فأنا أنصح الشباب السلفي أن لا يخوضوا في هذا الأمر, بارك الله فيكم. والمذهب الراجح اشتراط قيام الحجة, وإذا ما ترجح له فعليه أن يسكت ويحترم إخوانه الآخرين فلا يضللهم, لأنهم عندهم حق وعندهم كتاب الله وعندهم سنة رسول الله وعندهم منهج السلف. والذي يريد أن يكفر يكفر السلف, يكفر ابن تيمية وابن عبد الوهاب أيضا. الإمام محمد بن عبد الوهاب قال نحن لا نكفر الذين يطوفون حول القبور ويعبدونها حتى نقيم عليهم الحجة, لأنهم لم يجدوا من يبين لهم. C'est la fin de la fatwa du Cheikh حفظه الله تعالى من فتاوى العقيدة والمنهج على موقع الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله. Traduction de cette fatwa du Cheikh ربيع بن هادي المدخلي. Il fut interrogé sur l'excuse d'ignorance et il répondit: cette question, qui est l'excuse d'ignorance ou non, des gens courent après elle et ce sont des gens de trouble. Ils cherchent à diviser les salafis et les frapper les uns par les autres. Et moi, j'étais à Médine. Riyad al-Saïd, qui est connu, me contacta et me dit, il est à Riyad maintenant. Il me dit, il y a à Taïf une cinquantaine de jeunes qui, tous, rendent à l'Albanie mécréants. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auront pas les qobouri, les tombolâtres, mes crayons, et qu'ils l'excusent par l'ignorance. Donc ces jeunes rendent Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim et beaucoup de salafs mes crayons, car ils excusaient par l'ignorance. Et ils ont des arguments en cela, comme la parole d'Allah, traduction du sens du verset. Et nous ne punissons qu'après avoir envoyé un messager. Surat al-Isra, une partie du verset numéro 15. Ainsi que d'autres textes dont la signification est claire, comme aussi. Et quiconque fait scission avec le messager, après que la guidée lui ait été clarifiée. Jusqu'à la fin de ce verset. Surat al-Nisa, verset 115. Et la parole, et Allah, n'égarez pas un groupe, après les avoir guidés, sans leur montrer ce qu'ils devaient éviter. Ainsi que d'autres textes montrant que le musulman ne mécroit pas du simple fait de succomber dans quelque chose de kufr, de mécréance. Nous disons, il est tombé dans une mécréance. Ceci est bien une mécréance où il tombe par ignorance, par exemple. Mais nous ne le rendons pas pour autant mécréant. Jusqu'à lui montrer les preuves, établir la preuve sur lui. Alors seulement, s'il se crispe sur le faux, on le déclare mécréant. Cet avis est bien celui de beaucoup d'imams, des savants, qui se trouvent à Najd. Et certains se contredisent. Une fois ils avancent, l'établissement de la preuve est une condition. Et une fois ils disent, on n'excuse pas par l'ignorance. Alors des gens s'attachent au propos de celui qui n'excuse pas par l'ignorance. Et ils oublient les textes clairs qui posent la condition d'établir la preuve. Et que le musulman qui perpètre un acte de mécréance n'est pas déclaré mécréant, n'est déclaré mécréant qu'après avoir établi la preuve sur lui. Et il y a en cela ce que je vous ai cité relativement à l'imam al-Shafi'i, rahmallah, ainsi que les textes que je vous ai rappelés. Je connaissais un noble cheikh qui n'excusait pas par l'ignorance, par Allah, nous enseignions à sa méthode. Et ce cheikh nous rendit visite. Il portait cette idée, mais il ne suscitait pas les troubles, ne discutait pas, ne polémiquait pas, et ne rendait pas égaré celui qui excusait par l'ignorance. Nous avons vécu, lui et nous, comme amis, près de 40 ans. Il est décédé de très peu. J'étais une fois dans une assise, une personne enseignait de ne pas excuser par l'ignorance. Je lui avais cité ses arguments et lui disais que les savants de Najd se connaissent mutuellement. Certains excusent par l'ignorance et d'autres n'excusent pas. Ils ont une fraternité, non pas de discorde, ni d'inimitié, ni de rumeur, ni rien. Il s'est tu, c'est-à-dire ce savant-là, qui n'excusait pas par l'ignorance, mais qui respectait le vrai. Il s'est tu, n'avait pas polémiqué, car il ne voulait pas susciter des troubles. Nous savons bien que cette divergence a lieu entre les savants de Najd et entre d'autres meshaïrs. Cependant, cela n'avait pas engendré de désaccord, ni n'avait poussé à rendre un tel égaré, ni n'avait causé des guerres, ni des troubles. Or, ceci n'est que la voix de Al-Haddadiyya, ô mes frères. Nous insérons une note ici. Voici que le cheikh appelle les choses par le nom et il dévoile ses haddadis. Susciter de grandes divergences, des troubles, des guerres, à cause de ce genre de questions où il y a deux avis chez Al-Sunnah, c'est la voix de Al-Haddadiyya. Les haddadis, les takfiris, ne reconnaissent pas ces divergences d'opinion, car ils sont animés par la passion de At-Takfir. Ils ne tolèrent pas celui qui excuse par l'ignorance. Les salafis, eux, reconnaissent la divergence d'opinion au sein des questions de science, al-masail al-khilafiyya al-ilmiyya. Les salafis ne disent pas de celui qui n'excuse pas que c'est un khariji ou un takfiri, non, mais on le dit bien de celui qui ne reconnaît pas Al-Khilaf dans Al-Masail Al-Ilmiya. Celui-là qui taxe Al-Sunnah Al-Jama'a, qui taxe les Salafis de Murji'a, celui-là nous le taxons et le qualifions de Khariji, de Takfiri et de Haddadi selon le cas et le degré. Donc le Cheikh Hamidallah continue. La secte Haddadi, futée, égarée, fut instaurée afin de susciter les troubles au sein de Al-Sunnah, afin de les frapper les uns par les autres. C'est bien là une secte de Takfiri déguisée. Et ils ont d'autres ignominies peut-être, outre que le Takfir. Ils usent de la plus abjecte des formes de At-Taqiyya. At-Taqiyya est un... note ici d'explication. At-Taqiyya est un procédé connu, chez les chiites surtout, qui cachent leur véritable croyance puante et abjecte, où il y a l'accusation du livre d'Allah d'être falsifié et incomplet, où il y a l'accusation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme indigne du message, où il y a l'injure des sahaba, radouallahu alayhim, et bien d'autres ignominies et égarements profonds. Et les chiites cachent cette laideur afin de poser leur venin d'abord. Et pour cacher cela, ils usent de At-Taqiyya. Mais il ne faut pas confondre cette taqiyya incorrecte avec un procédé légitime dans la sharia et qui s'appelle al-mudarat et qui consiste à patienter, à encaisser des pertes dans la dunya pour protéger son din. Fin de cette note d'explication. Le cheikh disait de ces haddadi, il use des plus abjectes des formes de at-taqiyya, dissimulant ainsi leur méthodologie perverse et leur fin basse et corrompue. J'ai vu un jeune qui était influencé par cette méthodologie. Il portait un livre contenant des paroles choisies dans le sens de la vie de non-excuse par l'ignorance. Il se déplaçait de Riyad à Taif, à la Mecque, à Médine et ainsi de suite. Il était chez nous, il étudiait chez nous et nous nous aperçûmes qu'il portait cette idée de cette manière-là. Remarquez comment Cheikh Rabi' distingue entre ce cheikh qui était convaincu de cet avis de non-excuse et entre ce jeune. Le premier, c'est-à-dire le cheikh, était sage, était salafi, et ce jeune, fougueux, ne respecte pas l'autre avis de Ahle Sunna, fin de cette note. Donc Cheikh Rabi' dit, j'ai discuté avec celui-là, avec ce jeune, à maintes reprises, je lui ai montré la voix du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, la voix des salafs, les arguments et ainsi de suite, et lui, il polémiquait. Je lui ai demandé, quel est ton imam? Il répondit, un tel et un tel. J'ai vérifié et j'ai trouvé par Allah. Ils avaient des propos contradictoires. Tantôt ils excusaient, tantôt ils n'excusaient pas. Il me dit, il y a un tel avec moi. Je lui répondis, voici les paroles de cet homme. Et je lui avais préparé. Voici le propos d'un tel, où justement il excuse par l'ignorance ici, et il met l'établissement de la preuve comme condition. Il s'écria, je suis avec Ibn al-Qayyim. Je lui ai dit, mais tu avais rejeté Ibn al-Qayyim depuis bien longtemps, et Ibn al-Qayyim pose comme condition d'établir la preuve. Alors il fut interloqué. Cependant, il tenait à son égarement, il s'enfla d'orgueil. Et il fut même chassé de ce pays. Ensuite, il y revint. Et dans mes discussions avec lui, je lui ai dit, prenons cet exemple. Des gens qui sont mécréants dans une île quelconque, de la Bretagne ou des îles de l'océan Pacifique ou autre. Aucun salafi n'était jamais parvenu chez ces gens. Et des tabliris étaient arrivés chez eux. Et ils leur enseignèrent et dirent, voici l'islam, où ils transmettent des histoires imaginaires, des innovations, de al-hulul, des égarements, etc. Ils leur exposèrent ceci comme de l'islam, et ils l'acceptèrent. Partant, ils adorèrent Allah par ça. Toi maintenant, par exemple, tu les rends mécréants ou bien tu leur montres et établis la preuve sur eux. Il répondit, ils sont mécréants et établir la preuve n'est pas une condition. Je lui ai rétorqué, va en Algérie, car à présent, tu es plus dur que ces révoltés. Tu as davantage de tekfir qu'eux. Vas-y chez eux, car tu n'as pas de place dans ce pays-ci. Or, la voix du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim en cela repose sur des arguments et des preuves. Et c'est la méthodologie même des salafs, incha'Allah. Mais celui qui adopte autre chose que ça, mais qui se tait, nous ne lui en voulons pas. Mais s'il suscite les troubles, déclare des gens comme égarés, rend d'autres mécréants, non, par Allah, on ne se tait pas face à un tel comportement. Aussi, demanderai-je aux jeunes de délaisser cette affaire. Je leur fais conseil, car c'est un moyen des gens de mal et de trouble. C'est eux qui suscitent cette discorde parmi les musulmans. Par exemple, bien du temps s'est passé depuis l'ère de l'imam Mohammed bin Abdul Wahhab jusqu'à notre époque, il n'y avait pas eu de conflit entre eux sur ce point. Celui qui avait déployé un effort et pris ce madhab, ce principe, mais qui se tait, il était parti, déclina cela dans un livre, le publia uniquement, alors que celui qui le contrariait était parti aussi. Ils étaient tous des frères qui n'avaient pas des discordes ni des querelles. Personne ne rendait l'autre égaré, non plus mécréant. Or ces gens, c'est-à-dire les Haddadi, or ces gens rendent mécréant pour ça. Regardez bien, ils ont utilisé ça pour en arriver à rendre des imams de l'islam comme mécréants. Ceux-ci se renseignent sur leurs intentions perverses, ainsi que sur leur finalité mauvaise. C'est pour cela que je conseille aux jeunes salafis de ne pas donner dans ce sujet. Qu'Allah vous bénisse. Et la vie le plus juste, et que l'établissement de la preuve est une condition. Et si quelqu'un ne le trompe pas ainsi, il devrait se taire et respecter ses frères, non pas les rendre égarés, car certes, ils sont sur le vrai. Ils ont le livre d'Allah, la sunna de son messager et la voix de As-Salaf. Celui qui veut prononcer le takfir, il tombera dans le takfir de As-Salaf. Il le fera à l'égard d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn Abdu'ahab, et d'Ibn Abdu'ahab aussi. Car certes, l'imam Mohammed bin Abdu'ahab avait déclaré ceci: nous ne rendons pas mécréants ceux qui tournent autour des tombes et qui les adorent avant d'établir la preuve, car ils ne trouvèrent personne pour leur clarifier. Et c'est la fin de la parole de Cheikh Rabi Hafidullah. Et au terme de ce document, nous invitons ces jeunes qui ont pris cette voie, ce madhab de Al-Haddadiyya, à craindre Allah et à revenir au manège de As-Salaf Salih, à délaisser les théoriciens et les références de At-Takfir et de Al-Haddadiyya, à retourner vers les savants salafis connus et ancrés dans la science. Nous invitons ces gens, Abu Usama Al-Asimi et son auxiliaire Abu Abdelrahman Mohamed Ali Pasha, ainsi que cet autre qui s'appelle Abu Ishaq Abdelhay et Abu Suhail Al-Qamari, et aussi quelqu'un qui s'appelle Abu Hafsa, qui a la kunya de Abu Hafsa. Nous les invitons à faire tawba de ce ménage de Al-Fitna. Nous les invitons à craindre Allah et à respecter les héritiers des prophètes, à respecter les savants. Nous les invitons à cela, à faire tawba de cette voie, à corriger ce qu'ils ont commis de tort envers les croyants, surtout envers les savants et envers les salafis, ainsi que le takfir qu'il prononce sur des musulmans, à clarifier et à propager la voie des salafs. Allah Ta'ala dit: إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Sauf ceux qui se sont repentis, ayant corrigé et clarifié. À ceux-là, je pardonne et je suis l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Quand quelqu'un propage sur son frère qu'il est morgi, puis qu'il est mécréant, il ne suffit pas de se taire maintenant, mais il faut absolument accomplir les trois étapes du verset: Tabu, wa aslahu, wa bayanu. Et quand quelqu'un comme Abdelhay Abu Ishaq dit d'un imam de la Salafiyya et de la Sunna comme Cheikh Rabi Al-Madkhali qu'il est morgi, qu'il est khabith, il ne suffit pas de dire « j'ai effacé juste après le tweet » et prétendre que cela est une affaire entre Cheikh Rabir et toi, entre Cheikh Rabir et toi, est une deuxième parole d'ignorance. En outre, s'attaquer à des personnes qui viennent défendre un imam de la Sunna est un troisième point d'égarement. Détrompe-toi de tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Et rien ne te sert de bavarder et de digresser chaque fois que quelqu'un vient te montrer ton erreur de digresser, tu fais beaucoup de digressions. Tu dois répondre aux arguments, aux raisonnements et aux arguments, et non pas digresser pour insulter un tel. Tu as dit d'un savant qu'il est murji et qu'il est khabit. Tu dois corriger cela complètement si tu ne crois plus. Ou bien, tu peux le défendre jusqu'au bout si tu le crois encore. Le défendre par des arguments, non pas par des injures et des insultes, ni par des coups de poing. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.